À la prochaine intersection, je pourrais rencontrer un stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D.